Chapitre 22e. Nous avons trop longtemps délaissé la veuve Barnaby, il nous faut lui revenir en hâte. Dans le caractère de cette femme remarquable, il y avait tout à la fois un mélange de sagesse mondaine et de folie féminine, et suivant les circonstances, chacun de ses sentiments prenait le dessus à son tour. Il est bien certain que même à l'époque où le séduisant major lui faisait la cour la plus tendre, si un homme possesseur d'une fortune plus belle lui eût offert de l'épouser, il eût été accepté. Mais après que toutes les assurances de messieurs William et Maintry eurent changé en une heureuse tranquillité ses anxiétés pécuniaires, ce qu'il y avait en elle de disposition à l'amour se réveilla, et redevenant encore une fois la Martha Compton de Silverton, elle prit un tel goût à la compagnie du major que ni le concert de Mrs. Peters, ni toute autre invitation, si elle n'était partagée par son amie, ne pouvait compenser pour elle les délices du tête-à-tête de leur soirée. Quand le major Allen mit sur la table la carte d'invitation de Rodney Place, il dit « Avez-vous l'intention d'y aller, chère belle ?»« Avez-vous reçu une carte d'invitation, major ?» fut la réponse. Et quand son interlocuteur lui répondit négativement, elle ajouta « Donc je n'irai certainement pas. » Degré de fidélité qui satisfaisait fort le major, car il commençait à s'apercevoir qu'il n'était plus tout à fait aussi nouveau pour la société de Clifton et qu'on le surveillait de très près, lorsqu'il se hasardait à entrer dans des réunions de gentlemen. Naturellement, pour animer les fréquents tête-à-tête avec la veuve, il imaginait mille folies passionnées. Un jour, entre autres, il se lança tout à coup dans un accès de jalouse tendresse, déclarant que bien que Mrs. Barnaby lui ait donné beaucoup de preuves d'affection, il en restait une sans laquelle il ne saurait vivre, qu'il était hanté pendant son sommeil et voyait en rêve des légions de rivaux qui se levaient pour la lui arracher. « Oh, major, quelle folie !» s'écria la veuve. « N'avez-vous donc pas encore appris à lire dans mon cœur ? Fou que vous êtes ! En dehors de ce que l'honneur m'interdit de vous accorder, qu'y a-t-il que je veuille vous refuser ?»« Votre honneur, splendide Junon !»« Votre honneur, splendide Junon, mais il m'est plus cher que le mien propre. Non, ce que je voudrais obtenir de vous, ma Martha bien-aimée, ne saurait vous occasionner aucune disgrâce. Voici le fait. » Je ne connaîtrai un moment de repos que lorsque vous m'aurez fait une promesse de mariage. Je sais, mon amour, que vous avez ici des parents qui remueront ciel et terre pour empêcher notre union, et l'idée qu'il pourrait arriver à réussir me bouleverse. Pardonnez-moi cette faiblesse, et accordez-moi ce que j'implore de vous. Homme insensé, vous savez bien qu'il n'y a rien que je ne fasse pour vous. Mais alors, mon ami, je veux une promesse de vous aussi. Autrement, vous pourriez croire que mon amour est moins ardent que le vôtre. Répondit la veuve en manière de plaisanterie. Le major ne fit aucune objection, et ainsi, tout en badinant, les promesses furent échangées avec mille minauderies à la façon des amoureux. Ceci avait lieu précisément 3 jours avant le concert qui fut si fécond en événements, et dans cet intervalle, le major Allen reçut une lettre de son ami Maintry, qui, encore à Bath, lui demandait de venir l'y rejoindre afin de lui apporter ses précieux conseils sur une affaire de grande importance. Ce ne fut point sans une extrême répugnance qu'il dut s'arracher à ses amoureuses délices, mais ce sacrifice était réclamé par l'amitié, il ne pouvait y manquer. Seulement, il pria la veuve de revenir sur son refus au sujet de l'invitation Peters et d'aller passer la soirée de son absence à Rodney Place. Elle y consentit et il ne la quitta qu'au moment précis où elle allait s'habiller pour se rendre au concert. Être accompagnée par sa tante fut pour Agnès un terrible mécompte, et tout le plaisir qu'elle s'était promis de cette soirée fut anéanti. Le coup lui arriva à l'improviste, car Mrs. Barnaby n'avait pas jugé nécessaire de faire avec sa sœur la cérémonie de lui demander son autorisation pour assister à sa réunion, puisqu'elle avait été invitée. Mrs. Peters eut l'air fort contrariée, et même assez déconcertée en voyant entrer la veuve. Mais surprenant sur la figure d'Agnès l'anxiété avec laquelle la pauvre enfant épiait l'effet de cette contrariété sur elle, elle rappela son sourire, plaça sa parente, prodigieusement belle, sur un sofa à côté de 2 autres douairières, pria M. Peters d'aller causer avec elle, et s'emparant d'Agnès, elle la conduisit au milieu d'une société d'amateurs qui cancanait à l'envi, tout en prenant du thé à une table bien installée dans le second salon. Agnès fut immédiatement présentée comme une jeune amie et une importante acquisition. Il fut convenu alors, presque sans qu'elle y consentît, qu'elle chanterait 2 ou 3 morceaux de son vieux répertoire. Mrs. Peters, se contentant de lui dire qu'elle ne pouvait refuser, puisque c'étaient précisément les mêmes qu'elle avait chantés le matin devant le colonel Hubbard. Tout ceci était dit et fut arrangé au milieu du brouhaha et de la bousculade inhérente à une nombreuse réunion. Et avant d'avoir pu se rendre compte de ce qu'elle aurait voulu faire ou dire, Agnès se trouva enlevée et captive vers la région où l'on commençait les préparatifs importants pour la soirée, c'est-à-dire l'accord des instruments et la disposition des pupitres. Si elle avait eu l'esprit libre, elle aurait sans nul doute senti tout différemment son embarras, mais elle était si préoccupée. Elle savait que M. Stephenson et son ami devaient venir. Il n'y avait donc pas sur la surface entière du globe un endroit qui l'intéressât autant en ce moment que l'embrasure de la porte. Son attente dura peu. Elle les vit bientôt entrer ensemble. Son cœur bondit, elle changea de couleur, tout son corps trembla. Un instant après, M. Stephenson était à ses côtés. Mais elle ne s'en aperçut que pour mieux ressentir l'angoisse de voir le colonel rester où il était. Bien loin de s'approcher d'elle, il avait l'air de s'étudier à se tenir à distance. Immédiatement, aux yeux d'Agnès, tout sembla se couvrir de profondes ténèbres. Les lumières n'éclairaient plus, les instruments jouaient faux, et les galanteries de M. Stephenson lui devenaient tellement insipides qu'elle songeait à quitter le salon pour peu qu'il continuât. L'ouverture commença. On prit Agnès d'aller s'asseoir à la place qui lui était assignée, mais cette place, comme elle s'en aperçut tout de suite, laissait à côté d'elle un vide qui permettait à M. Stephenson de continuer dans son oreille ses chuchotements opiniâtres. Alors, avec un mouvement d'irritation absolument nouveau chez elle, les joues en feu, elle se leva une seconde fois et s'en alla quérir une place au beau milieu d'une rangée de dames qui ne purent arriver à la satisfaire sans une réelle difficulté. Aussitôt qu'elle eut atteint cette nouvelle place, elle leva les yeux et les tourna vers l'endroit où elle avait vu le colonel. Il y était encore et de plus avait évidemment les yeux fixés sur elle. « Pourquoi ne veut-il pas me parler ?» se disait mentalement Agnès. « Et pourquoi me regarde-t-il ainsi ?» Il n'eût pas été difficile au colonel Hubbard de répondre à cette question. Pendant qu'ils avaient pris le café ensemble, une demi-heure avant de partir pour la soirée, Frederick Stephenson avait dit à son ami que Sansor allait se décider ce soir même, car il était déterminé à faire sa proposition à Miss Willoughby. Le colonel Hubbard avait tressailli. « Il va sans dire, Frédéric, que vous ne vous êtes pas décidé à faire une pareille démarche sans être à peu près sûr de ce que sera la réponse », fut la réplique du colonel. « Vous connaissez la définition que Sylvius donne de l'amour, » riposta Frédéric. « Il n'est fait que de fidélité et de dévouement, tel je suis pour Agnès. Or, comme mon dévouement est et sera parfait, ainsi que ma fidélité, je ne vois pas pourquoi je m'infligerai la torture du doute. D'ailleurs, elle sera à moi immédiatement ou je m'enfuis pour ne la revoir jamais. » D'après cela, le colonel Hubbard préférait naturellement se tenir à distance. « Ceux qui assistent voient mieux que ceux qui jouent, » dit un vieux proverbe, et tous ces vieux dictons disent généralement vrai. Frédéric, malgré tout son dévouement, n'était pas à moitié aussi près de découvrir l'état réel des sentiments de Mademoiselle Willoughby que son ami. Non pas, en vérité, que le colonel Hubbard eût remarqué quelque chose relativement à lui-même, mais il avait vu de la fatigue et du dégoût dans les mouvements de tête d'Agnès. Il avait saisi l'expression de tristesse qui s'était répandue sur sa figure, même avant la manœuvre difficile qu'elle avait opérée dans le but d'échanger à celui qui n'attendait qu'une occasion pour lui déclarer son adoration, sa fidélité, son obéissance. Une inexprimable sensation de plaisir fit tressaillir le colonel Hubbard quand il vit tout cela. Mais un instant après, son cœur se reprochait ce mouvement de plaisir avec l'angoisse la plus amère. « Me conduirai-je donc en traître vis-à-vis de lui, qui s'est si franchement confié à moi » pensa-t-il. « Non, par le ciel, pauvre Frédéric. Quoi qu'il soit un ange, il la mérite parfaitement, car dès le premier jour, il a pensé à elle et rien qu'à elle, tandis que moi. J'ai étudié les ridicules de l'attente, j'ai condamné la plus charmante de ces deux femmes. Agnès, vous êtes bien vengée. » Pendant ce temps-là, Frédéric, avec son heureux naturel, quoique déçu dans son espoir d'accaparer sa bien-aimée, s'était promptement consolé en écoutant les confidences de Mademoiselle Peters, qui ne pouvait contenir ses craintes et ses doutes à l'endroit du courage d'Agnès devant un si nombreux auditoire. « Pour l'amour de Dieu, ne la tourmentez pas à ce sujet, » disait-il. « Une voix comme la sienne embellirait tous les concerts du monde. » « Ce n'est que pour maman, » reprit Mary, « que je m'en inquiète. elle a été si contrariée avec Miss Roberts. Après le prochain duo de Lucy et James, pendant qu'Elisabeth accompagnera le violoncelle, vous me feriez bien plaisir d'essayer de vous approcher d'Agnès, là où elle s'est réfugiée pour qu'on ne la voie pas, pauvre chérie, et vous lui direz que ma mère désire lui parler. » Frédéric, assez content de voir ainsi confirmer sa pensée, qu'elle ne l'avait point fui, mais qu'elle l'avait quitté pour quelque raison inconnue de lui, entreprit tout de suite de faire la commission qu'on lui donnait. Mademoiselle Peters était loin de s'imaginer qu'elle venait de découvrir le moyen le plus efficace pour pousser Agnès à chercher une place parmi les exécutants. Celle-ci était restée debout pendant tout le cours du long duo, triomphalement assise hors de la portée de tout le monde, grâce à l'habile arrangement qu'elle avait pris et parfaitement convaincue, quoiqu'elle n'eût en aucune manière l'air de l'épier, que le colonel Hubbard n'était pas le moins du monde plus gai ni plus heureux qu'elle-même. Mais hélas, juste au moment indiqué par Mary, le beau Frédéric Stephenson réussissait, tout en souriant, tout en saluant avec force politesse, à se frayer un chemin au travers des rangs pressés de dames en grande toilette, jusqu'à l'endroit où Agnès s'imaginait être en parfaite sécurité. Il s'acquittait de son message, mais non sans tâcher de lui faire comprendre à quel point il avait été heureux de recevoir cette commission. Ceci était trop. Être assis dans la pièce même où se tenait le colonel Hubbard, sans que celui-ci fît la plus légère attention à elle, et cela après toutes les douces et trompeuses visions de la matinée, était positivement une position horrible. Aussi, sans chercher à trouver un mot à répondre à des paroles qu'elle n'entendait pas, sans essayer de parer sa figure d'un sourire quand elle se sentait si disposée à pleurer, elle se dit « Je chanterai tout ce qu'ils me demanderont. Bien ou mal, peu importe. Je supporterai tout plutôt que de rester là à l'entendre me parler ainsi. » Et ne répondant à son anxieux messager que par un silencieux signe de tête, Agnès se leva et se dirigea vers Mrs. Peters. La chance voulut que Mary, Lucy et une ou deux autres femmes fussent en train de causer avec cette dame dans une partie de la chambre qui se trouvait très exactement en face de Mrs. Barnaby, laquelle, ayant trouvé ses voisines poliment disposées à répondre à toutes ses questions, était demeurée à peu près tranquille et satisfaite. Mais la scène qui se passait actuellement sous ses yeux éveilla chez elle autant d'étonnement que de jalousie. Jusque-là, la belle-sœur de Mrs. Peters, toujours enchantée d'elle-même, avait supposé que la chère Marguerite avait trop à faire, outre l'arrangement et la marge de son programme musical, pour pouvoir donner un instant aux membres de sa famille. Car Mrs. Peters, du moment où elle avait déposé Mrs. Barnaby sur le sofa, loin de lui avoir accordé un seul mot, s'est égarée avec soin de son chemin, et voilà que maintenant, elle la voyait au centre de la pièce, donnant son attention tout entière à Agnès, la présentant évidemment à une ou deux des plus élégantes personnes de la réunion, et finalement la prenant par la main comme si elle avait été la personne la plus importante de la soirée, pour la conduire au piano avec force sourire et l'air de lui prodiguer la plus flatteuse affection. « Qui est cette belle personne, madame ? » dit l'une des bavardes voisines de Mrs. Barnaby, pensant peut-être qu'elle avait le droit à son tour d'interroger celle qu'il avait si librement questionnée. « Quelle personne, madame ? » riposta Mrs. Barnaby. Car l'habitude efface tellement à nos yeux la vue du beau qu'elle en était presque arrivée à ne plus voir la rare beauté de sa nièce. Cette jeune fille tout en crêpe noire que Mrs. Peters vient de conduire au piano, sur ma parole, je crois que c'est la plus belle créature que j'ai jamais vue. Oh, c'est ma nièce, madame, et je vous assure que je ne sais pas quelle folie a passé par la tête de ma sœur Peters à son sujet. J'espère qu'elle ne prétend pas se mettre au piano sans ma permission. Il est temps que je m'inquiète de ce qu'elle fait. Et tout en parlant ainsi, Mrs. Barnaby, indignée, se levait, déterminée à prendre sa part de l'attention tout au moins, si ce n'était de la faveur, que l'on accordait à une personne de la famille qui lui devait tout. Mais elle fut immédiatement forcée de se rasseoir par l'universelle chute, qui bourdonna tout autour d'elle, car à ce moment même, la splendide voix d'Agnès emplissait la chambre et faisait tressaillir l'oreille insensible de l'auditeur le moins attentif. L'effet de cette voix fut si inattendu et si puissant qu'il était naturel de craindre que sa manifestation n'outrepassât les forces d'une si jeune exécutante. Aussi, dès que le morceau fut terminé, Mademoiselle Peters se hâta d'aller à son amie, s'attendant à la trouver tremblante, agitée et grandement désireuse d'un bras pour la soutenir. Mais au lieu de cela, elle trouva Agnès parfaitement calme, ayant l'air de n'avoir nullement conscience de l'effet qu'elle venait de produire, et paraissant, pour la première fois de la soirée, heureuse et tranquille. C'était précisément là où elle n'aurait jamais songé à la chercher, que Manuel Peters aurait pu trouver la cause de ce calme, c'est-à-dire dans l'attitude et dans la physionomie du colonel Hubbard. Il n'avait pourtant guère parlé à la pauvre enfant, mais cependant assez, pour la convaincre qu'il n'était pas plus indifférent actuellement à son égard qu'il ne l'avait été dans la matinée, assez pour la relever du malheureux état de prostration et d'ennui qui lui avait fait fuir les intentions de Frédéric, assez enfin pour faire renaître en elle ces joyeuses espérances qui l'étourdissaient au point de lui faire oublier tous les gens qui l'entouraient, à l'exception d'un seul. Bien que, dans son agitation, Agnès eût quitté la place d'où elle avait vu le colonel Hubbard se blottir dans un coin, apparemment, elle le pensait du moins, pour être aussi loin d'elle que possible, elle avait été en choisir une, d'où elle pouvait tout aussi bien se tourmenter en l'épiant. Elle était si convaincue que son bon plaisir seul le retenait loin d'elle. Là, comme nous l'avons vu, le pauvre Frédéric était parvenu à la rejoindre quelque temps après. C'était cette dernière poursuite qui lui avait donné le courage de chanter. Mais ce faux courage s'était vite évanoui en approchant de l'instrument. Elle se rappelait avec une vivacité qui allait jusqu'à l'angoisse ces morceaux chantés le matin. Elle les avait redits depuis en elle-même, avec la chère croyance qu'ils avaient dissipé pour jamais l'imposante réserve du colonel. Et elle se demandait avec désespoir quelle serait sa meilleure manière d'opérer une retraite précipitée lorsque, atteignant l'endroit réservé aux artistes, elle aperçut au milieu d'eux le colonel Hubbard qui, la voyant, vint immédiatement se mettre à côté d'elle ou, selon l'usage, il n'avait rien à faire, pour lui demander tout bas si elle comptait s'accompagner elle-même. Elle pensait si peu qu'il voulut lui parler que cette simple question amena dans ses sentiments un revirement complet. En un instant, tout son être sembla transformé. Son cœur battit, ses yeux brillèrent du bonheur retrouvé. Elle ne songea qu'à une chose, c'est qu'elle allait chanter devant lui encore une fois. En réponse à sa question, elle lui dit avec un sourire qui faillit lui faire oublier, à lui aussi, tout ce qui les entourait. « Croyez-vous qu'il vaille mieux que je m'accompagne ?» ou demanderai-je à Elisabeth. « Non, non, ne demandez à personne » répliqua-t-il. « Et que faut-il que je chante ?» dit encore tout bas Agnès. « Le dernier des morceaux que vous avez chantés ce matin. » Orphée n'a jamais été inspiré par un sentiment plus puissant que celui qui animait alors le cœur régénéré d'Agnès. Aussi chanta-t-elle comme elle n'avait jamais chanté. Le résultat fut une explosion de bravo qui aurait dû, selon la règle, écraser la jeune artiste. Pourtant, elle restait debout, un peu rouge certainement, mais avec l'air heureux et soulagé que doit avoir la pairie quand son paradis se rouvre devant elle. Juste à ce moment, et précisément comme le colonel Hubbard offrait son bras à Agnès pour la reconduire à sa place, Mrs. Barnaby, enchantée d'attirer une centaine d'yeux sur elle, empanachée, peinte, toute frisottée et déterminée à partager à tout prix les honneurs du moment, se frayait un chemin vers l'endroit où se tenait Agnès, point de mire des regards de toute la société. La jeune fille avait déjà pris le bras du colonel, et pendant un moment, on eût pu croire qu'il voulait tenter de la conduire dans une direction tout à fait opposée à celle de sa tante. Mais si réellement il avait médité un acte aussi hardi, sa déception fut grande. Mrs. Barnaby posa très familièrement sa main sur celle du colonel, en s'écriant avec la plus séduisante de ses vivacités « Non, non, colonel, vous êtes beaucoup trop obligeant. Je prendrai soin moi-même de ma nièce, s'il vous plaît. Ah, ma chère Marie !» ajouta-t-elle, en prenant immédiatement le ton sentimental. « Elle chante absolument comme sa pauvre mère. C'est presque au-dessus de mes forces, je vous assure. » Et tout en parlant, elle emmenait l'infortunée Agnès, lui jetant son bras autour de la taille, tandis qu'elle la baisait affectueusement au front. Le colonel Hubbard voltigea encore pendant quelques minutes autour de la jeune fille. Mais toute violente que fut la fascination qu'il subissait, il faut croire qu'elle ne le fut pas assez, pour lui faire braver une nouvelle attaque personnelle de la part de Mrs. Barnaby. « Quelle foule !» s'écria tout à coup cette dernière en se tournant vers lui. « Colonel, je vous prie, votre bras, nous irons prendre une glace dans l'autre pièce. » Mais au même instant, le colonel faisant volte-face se replongeait dans la foule et 2 minutes après, il avait quitté la maison. Il est vrai de dire qu'au moment même où la veuve réclamait si audacieusement son bras, Frédéric Stephenson venait de s'emparer de celui d'Agnès. Ce qui, s'il est possible, avait encore hâté cette retraite soudaine. La pauvre Agnès n'aurait pu dire ce qui se passa pendant le reste de la soirée. Elle affirma à ses amis qu'il lui serait impossible de chanter de nouveau, et en disant cela, elle avait l'air si défait et si malheureux que ces dames la crurent véritablement surmenée, et comme elles étaient ravies du brillant succès du seul morceau qu'elle eût chanté, elles ne la tourmentèrent plus. Frédéric Stephenson ne doutait pas non plus que l'effort inaccoutumé qu'elle avait dû faire pour chanter devant une si nombreuse compagnie ne fût la cause de l'évidente prostration où il la voyait, quoiqu'il comprît fort bien que les manières de la tante fussent plus que suffisantes pour provoquer cet état de tristesse. De toute façon, ce n'était pas le moment de murmurer à l'oreille d'Agnès, le conte amoureux qu'il avait préparé à cette occasion. Et pour avoir demandé à Mademoiselle Peters s'il pouvait espérer trouver son ami à Rodney Place le lendemain matin, et avoir reçu comme réponse un cordial « Oh oui, certainement », il avait pris congé, plus féru d'amour que jamais. Car malgré le désappointement qu'il éprouvait au sujet de cette soirée attendue depuis si longtemps, il n'avait pas un doute sur les espérances que lui offrait l'entrevue du lendemain. Mrs. Barnaby était partie l'une des dernières, car après le plaisir de se faire la cour, elle prisait au plus haut degré la satisfaction de se trouver dans une belle soirée où elle pouvait appeler chère sœur la maîtresse de la maison. Agnès avait ardemment désiré voir sa tante donner le signal du départ, mais elle n'était pas plutôt enfermée avec elle dans le fiacre qui les ramenait chez elle qu'elle aurait bien voulu retourner d'où elle venait. Un torrent de reproches et de criailleries, aussi pénible qu'inattendu, fondait sur elle. « C'est donc ainsi, ingrate vipère, que vous reconnaissez mes bontés. Avez-vous jamais daigné me dire que vous saviez chanter ? Non, misérable fille, perverse créature, vous me laissez apprendre cela par hasard, tandis que vos nouvelles amies, je dirais plutôt de nouvelles étrangères, sont dans votre confidence, et moi, je suis là, assis dans un coin, avec un air bête, parce qu'on ne m'en a jamais parlé auparavant. C'est uniquement parce qu'il y a un piano chez elle, ma tante. Je ne puis pas chanter sans piano. Misérable ingrate, me reprochait de ne pas avoir dépensé jusqu'à mon dernier shilling pour lui acheter un piano. Mais je vais vous dire, mademoiselle, ce qu'il adviendra de votre beau talent de cantatrice. Vous entrerez au théâtre. Remarquez bien ce que je vous dis. Vous entrerez au théâtre, mademoiselle Willoughby, et vous gagnerez votre pain avec votre chant. Jamais je n'imposerai à un mari choisi de ma main la tâche d'entretenir une parvenue telle que vous, vile, ingrate et dissimulée. » Agnès n'essaya pas de donner d'autres explications, et les larmes silencieuses que ces outrages faisaient couler n'étaient pas trop pénibles, tant elles étaient d'accord avec l'état de découragement et d'épuisement où elles se trouvaient. Elle ne désirait que sa petite chambre et le calme non interrompu de la nuit. Du moins là, elle pourrait pleurer à son aise sans crainte d'être surprise. Mais il était dit que cette nuit-là, tout ne serait que désappointement, car ce triste bonheur même ne devait pas lui être accordé. Lorsqu'elles arrivèrent chez elles, la porte leur fut ouverte par la servante de la maison, et sur la demande impérieuse de Mrs. Barnaby, « Où est donc ma femme de chambre ? Où est John Ingham ?» La servante répondit que John Ingham, qui était sorti dans la soirée, n'était pas encore entré. Il faut dire que John Ingham, la plus grande flagorneuse, la plus grande cancanière qu'on ait jamais vue, était devenue la favorite de sa maîtresse. Et le délit de n'être pas rentré à près d'une heure du matin, au lieu d'exciter chez cette dernière un mouvement de colère légitime, ne fit que lui inspirer une grande inquiétude. « Oh mon Dieu, que sera-t-elle devenue, la pauvre fille ? Elle aura eu quelque accident. Quelle heure était-il quand elle est sortie ? Etc., etc. » Tout le temps qu'on mit à monter l'escalier se passa à faire des questions de ce genre, et la dame rentra dans sa chambre. À peine avait-elle atteint la commode sur laquelle elle posait son bougeoir, qu'un cri terrible retentit, suivi d'exclamations, qui eurent bien vite expliqué à Agnès et à la servante de quelle nature était le malheur qui frappait Mrs. Barnaby. « On m'a volé. Je suis ruinée. Regardez, regardez, ma caisse a été forcée. Il n'y a plus un liard dedans. Et toutes mes fourchettes aussi, toutes mes cuillères, mon pot à crème, mon moutardier. Je suis ruinée, volée. Mais vous êtes responsable. La maîtresse de la maison doit être responsable. D'abord, il faut que vous ayez laissé entrer les voleurs. Il le faut puisque votre porte n'a pas été forcée. » La bonne de la maison, qui paraissait terrifiée, demanda s'il ne faudrait pas appeler sa maîtresse. « Certainement qu'il le faut, imbécile. Croyez-vous que je vais me coucher dans une chambre où on a laissé entrer des voleurs en mon absence ? Comment puis-je savoir s'ils ne sont pas aux aguets en ce moment, guettant mon sommeil pour m'assassiner ?» La digne veuve à laquelle la maison appartenait était accourue en toute hâte, en bonnet et en robe de nuit, et moitié éveillée, elle écoutait le bruyant récit que faisait Mrs. Barnaby de son infortune. Aussitôt qu'elle commença à comprendre de quoi il s'agissait, malgré les interruptions continuelles de la veuve qui se lamentait et menaçait tour à tour, La tranquille petite vieille, sans avoir l'air d'être le moins du monde offensée par l'assertion si souvent répétée qu'il avait fallu qu'elle laissât entrer les voleurs, se tourna vers la servante en disant « La femme de chambre de madame est-elle rentrée, Sally ?»« Non, madame, » dit Sally, « elle n'est pas revenue depuis qu'elle est sortie avec le domestique du monsieur qui est venu la chercher. »« Eh bien alors, vous pouvez être bien sûr de la chose, madame. C'est votre femme de chambre qui vous a volé, » dit la propriétaire. « Ma femme de chambre ?»« Qui cela ? Jerningham ? Impossible. C'est la meilleure fille du monde. Une innocente créature que j'ai tirée d'une école de charité. C'est absolument impossible et jamais je ne croirai cela. » « Bien, madame, dit la veuve, que ce soit qui cela voudra, il n'est pas possible d'attraper les voleurs cette nuit. Je vous engage à vous mettre au lit, car la pauvre jeune personne semble bien pâle, et demain matin je crois que vous ferez bien de demander conseil à M. Peters. » « Mais comment voulez-vous que j'aie la moindre sécurité maintenant ? Qui me dit qu'il n'y a pas de voleurs dans la maison ? S'écria Mrs. Barnaby. « Ouvrez la porte de votre chambre, Agnès, et regardez sous les lits. Quant à vous, Mrs. Crocker, « faites-moi le plaisir de visiter le salon, et en bas, et en haut, et partout. Je ne reposerai pas ma pauvre chère tête sur un oreiller avant que tout ceci ne soit fait. Je n'ai nulle envie qu'on vienne me couper la gorge, je vous en avertis. »« Grand Dieu, que dira le major Allen ?»« Je ne crois pas, madame, qu'aucune de nous ait envie de se voir couper la gorge, » répondit Mrs. Crocker. « Et heureusement, il n'est guère probable que cela nous arrive, j'imagine. »« Bonsoir, mesdames. » Et sans attendre une plus longue discussion, la maîtresse de la maison, qui mourait d'envie de dormir, alla se reglisser dans son lit. Sa servante suivit son exemple, et Agnès resta seule pour recevoir sur sa tête vouée au malheur le torrent de lamentations par lequel la dépouillée Mrs. Barnaby soulagea son chagrin pendant une grande partie de la nuit. Le lendemain matin, la veuve suivit le très sage conseil de Mrs. Crocker et s'en alla à Rodney Place, de façon à trouver M. Peters avant qu'il ne partît faire sa promenade quotidienne à Bristol. Agnès, pâle, fatiguée, le cœur gros, l'accompagnait. Le changement qui s'était opéré en elle depuis la veille était si frappant que de toutes les personnes rangées autour de la table du déjeuner, celles qu'il aimait le mieux furent plutôt contentes que peinées en apprenant que la cause de sa mauvaise nuit était le vol dont sa tante avait été victime, lequel vol montait à près de 100 livres sterling plus quelque argenterie. Bien entendu, elles étaient trop sensées pour laisser voir leur satisfaction, et le chagrin de la veuve reçut de tous les membres de la société une somme de condoléances fort convenable. M. Peters, du reste, fit mieux que de se désoler avec elle. Il lui offrit cordialement son assistance, et il fut bientôt convenu, d'après son conseil, que Mrs. Barnaby l'accompagnerait immédiatement chez le maire, de façon à n'agir ensuite que sous la direction d'un homme de loi, auquel M. Peters envoya un billet pour le prier de se rendre sur le champ chez le magistrat où il les rencontrerait. On commanda la voiture. Agnès, de l'avis de tout le monde, resta à Rodney Place, et Mrs. Barnaby, un peu réconfortée, mais encore bien agitée, monta dans la voiture de sa chère sœur, sa plus grande consolation, pour aller témoigner devant le maire de Bristol non seulement qu'elle avait été volée, mais qu'elle avait certainement quelques raisons de croire que le voleur était sa femme de chambre, Jerningham. M. Peters trouva son homme de loi prêt à les recevoir, et après qu'il eut entendu la déposition de la dame, il obtint un mandat d'arrêt contre Elizabeth Jacks et William, nom de famille inconnu, groom au balai, ou même l'un et l'autre, du major Allen, demeurant à Gloucester Row, Clifton. La veuve avait montré de grands scrupules au sujet de l'insertion de ce dernier individu, mais, ayant avoué qu'elle pensait qu'il devait être le domestique du monsieur, dont la bonne Mrs. Crocker avait parlé comme accompagnant Jerningham quand elle avait quitté la maison, on lui assura qu'il était nécessaire qu'il fût compris dans le mandat. Finalement, elle y consentit, quand il fut bien clair pour elle que s'il prouvait son innocence, il n'y aurait aucune difficulté à obtenir sa mise en liberté. On demanda alors à Mrs. Barnaby de décrire avec minutie sa servante et son compagnon supposé, ce qu'elle fit très exactement et sans trop de difficulté, car ces deux personnes étaient remarquables. « Vous ne voyez pas qu'il y ait pu y avoir un autre homme avec elle, n'est-ce pas, madame ?» dit un constable qui travaillait dans le bureau. « Non, » répondit Mrs. Barnaby d'un ton confidentiel, « je n'en vois aucun autre. Je suis presque sûr qu'elle n'avait aucune autre connaissance. »« Mais l'homme pouvait en avoir, lui, » fit observer un autre employé. « C'est vrai, » reprit le premier, « mais alors j'ai de fortes présomptions de croire que j'ai vu la fille ainsi que l'homme entrer dans une maison connue pour souvoir ce genre de compagnie. Mais il y avait un autre individu avec eux. » « Alors c'est à vous que nous remettrons le mandat, Miles, » dit le magistrat. Si vous pouvez réussir à mettre la main dessus tout de suite, il est fort probable que vous pourrez rattraper les objets. » Cette insinuation fit trouver à la veuve qu'il était on ne peut plus urgent de ne pas perdre de temps. Elle consentit à rester dans une chambre attenante au bureau, afin que, si le constable pouvait réussir à pincer les coupables à l'endroit qu'il avait désigné, on pût procéder immédiatement à la confrontation. Dans le doute, je suppose qu'il n'y a aucun mal à arrêter l'autre individu, si je les trouve tous trois ensemble, dit le constable, et il ajouta, d'autant que je croirais assez savoir déjà quelque chose sur ce gaillard-là. Ayant reçu l'autorisation d'arrêter l'individu, il partit, laissant Mrs. Barnaby, son fidèle écuyer M. Peters et l'homme de loi, tous trois assis sur des tabourets dans une antichambre sombre qui était attenante au bureau, et du côté de la dame du moins, en proie à une nerveuse attente. Cette position n'était pas des plus agréables. Heureusement, elle ne dura pas longtemps, car bien avant qu'une heure se fût écoulée, on vint les prier de rentrer dans le bureau, les trois prisonniers y ayant été amenés. M. Peters offrit son bras à Mrs. Barnaby. Ils entrèrent par une porte qui faisait précisément face à l'endroit où étaient les trois individus. Le constable et deux officiers de police se tenaient derrière eux. Comme on s'y attendait, le groupe se composait de deux hommes et d'une femme. Ces dernières n'étaient rien moins que la grande et maigre Betty Jacks. L'homme qui était à sa gauche était bien William, le groom si poli du major, et celui qui était à sa droite, non, ce n'était pas possible. Cependant, il n'y avait pas à s'y tromper. On aurait dit que c'était... Et c'était bien, en effet, ce modèle d'amitié fidèle, le capitaine Maintree. En cet instant, il eût été impossible d'accuser d'affectation la vive émotion qu'éprouvait Mrs. Barnaby. Son honneur, monsieur le maire, lui fit apporter un verre d'eau et une chaise, qui lui firent le plus grand bien, et lui demanda s'il reconnaissait les prisonniers. « Oui, » répondit-elle avec un énorme soupir. « Pouvez-vous les désigner par leur nom ?»« La fille et ma femme de chambre, Johnny... » Betty Jacks. Cet homme est William, le groom du major Allen, et cet autre. Vous feriez bien de vous arrêter là, interrompit le soi-disant capitaine. Il pourrait vous arriver d'en dire plus long que vous n'en savez. Et vous, vous feriez mieux de vous taire, dit le magistrat. Je vous prie, madame, veuillez nous dire si vous connaissez cet individu. L'avez-vous déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu, répondit Mrs. Barnaby, qui pâlissait en dépit de son rouge, car le souvenir de l'affectueuse intimité dont elle avait été témoin entre cet homme et son fiancé le major la mettait fort mal à l'aise, et c'était à grand-peine qu'elle pouvait articuler un mot. « Je serais désolé, madame, de vous impatienter par d'inutiles questions, dit le magistrat, mais je dois vous prier de me dire, s'il vous plaît, où vous l'avez vu et comment on l'appelait. « Je l'ai vu sur le mail de Clifton, monsieur, répondit Mrs. Barnaby. « Il y a plus d'un honnête homme qu'on a pu voir ainsi que moi sur le mail de Clifton, » dit le soi-disant capitaine en riant. « Et ne l'avez-vous jamais vu ailleurs, madame ?»« Non, monsieur, jamais. »« Et ce moment-là, dites-moi, je vous prie, était-il avec ce groom ?»« Non, » répondit la veuve en hésitant. Maintree se mit à rire de nouveau. « Vous ne pourriez pas jurer alors que vous le soupçonnez de vous avoir volé ?»« Oh non, monsieur. » Ici, le constable murmura quelque chose à l'oreille du magistrat, qui fit un signe de tête et reprit ainsi son interrogatoire. « Avez-vous entendu dire le nom de cet homme, madame, quand vous l'avez vu sur la promenade ?»« Oui, monsieur. »« Ceci n'a aucun rapport avec l'affaire en question ?» interrompit Maintree. « Et d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de le demander. »« J'ai dans l'idée que vous vous êtes donné dans la ville plus d'un nom, » répliqua le magistrat. « Et j'ai le droit de découvrir celui-ci, si cela m'est possible. »« Comment avez-vous entendu appeler cet homme quand vous l'avez vu sur le mail, madame ?» Je l'ai entendu appeler capitaine Maintree. Capitaine, en vérité, ces gars-là sont tous capitaines ou majors, ma parole, dit le magistrat, serrant soigneusement le nom dans sa mémoire. Le cœur de Mrs. Barnaby faillit lui manquer. Le souvenir de sa promesse de mariage lui revint avec une telle violence qu'elle en oublia presque ce qui l'avait amené là. Toutefois, le magistrat et l'homme de loi, qui jouissaient tous deux de leur présence d'esprit, continuèrent à procéder comme d'habitude, afin de savoir s'il existait des présomptions suffisantes pour justifier l'incarcération des prévenus. La première question que l'on fit à Betty arrangea l'affaire, car elle se mit à pleurer et à sangloter de la plus piteuse façon en disant « Si madame veut bien me pardonner, je lui dirai tout, et quelque chose de plus encore. Ce n'est pas moi, ni William non plus, qui avons fait la chose. Non, pas la moitié autant que Joe Purdham. C'est lui qui nous l'a fait faire. » Et elle montrait Joe Purdham avec un doigt, qui, à cause de la longueur de son bras, atteignait un pouce environ du nez de celui qu'elle voulait désigner. Mais ceci eût-il été insuffisant, la visite que l'on opéra sur les personnages du trio aurait fourni toutes les preuves désirables. On retrouva presque tout l'argent dans la doublure du chapeau de Purdham. Les fourchettes et les cuillères alourdissaient les poches de Betty, et le pot à crème ainsi que le moutardier, chacun enveloppé avec soin dans un mouchoir, était logé sur la personne de William. En un mot, l'identité des prévenus étant parfaitement constatée, on les mena en prison. Mrs. Barnaby pouvait donc espérer retrouver son bien, et sa désagréable affaire de Bristol était heureusement terminée. Il ne restait plus qu'une course en voiture dans l'équipage de sa sœur pour que tout fût accompli. M. Peters lui offrit son bras, et avec l'accent de l'honnête triomphe que lui inspirait la manière habile dont il avait manœuvré les choses, il lui dit « Eh bien, madame, j'espère que vous êtes satisfaite de la façon dont s'est terminée l'affaire. Quelle question pour Mrs. Barnaby, et comment y répondre ?» Satisfaite ? Pouvait-elle être satisfaite ? Satisfaite d'avoir toutes les raisons du monde de croire qu'elle avait donné une promesse de mariage à l'ami et l'associé d'un vulgaire voleur ? Mais la présence d'esprit ne fit pas défaut à la veuve, et après avoir laissé échapper un petit soupir convulsif, elle répondit avec un millier de remerciements et en assurant un million de fois M. Peters qu'en effet, elle ne pouvait pas être plus satisfaite. Elle n'était pourtant guère en état de supporter toutes les questions qu'on lui aurait faites à Rodney Place. Et comme M. Peters ne remonta pas dans la voiture, elle donna l'ordre de la conduire à Sion Row. Elle ne pouvait refuser à Mrs. Crocker la satisfaction d'apprendre que le voleur était bien John Ingham, qu'elle était en prison et qu'on allait poursuivre l'affaire. Mais elle lui dit tout ceci le plus brièvement possible et courut s'enfermer dans son salon, afin de tenir conseil avec elle-même sur les moyens de se tirer de ce terrible embarras, sans en avouer l'existence ni à M. Peters ni à personne au monde. Pour le reste de la journée, elle pouvait facilement dire qu'elle se sentait fatiguée et s'excuser ainsi de n'avoir personne, et comme elle n'attendait le major que le lendemain, elle avait devant elle quelques heures qu'elle voulait employer à méditer sur ce qu'elle avait à faire. Vers le soir, elle devint plus calme. Son plan était arrêté. Elle recevrait le major avec autant de passion que par le passé et jouerait son jeu de façon à l'obliger de lui faire voir la promesse écrite qu'il lui avait faite. « Une fois en ma possession, pensait-elle, il n'y a plus de danger. » Ce plan lui rendit si bien son entrain que lorsqu'Agnès rentra le soir, elle ne put se douter de rien, sa tante ne l'ayant appelée imbécile que deux fois et ne l'ayant menacée de la faire entrer au théâtre que trois fois. Ainsi s'achève le tome premier de La Veuve Barnaby par Frances Trollope.